shit, Jackie, y'all. Texte, pas de bêtises, car la maîtrise de mes mots renfonce des sentiers. Come on! Pas grand chose dans ce monde, mais j'abonde. De rimes et mes mots se fécondent, je vagabonde. Sur le tempo, ne joue pas les gospels sans repos. J'ai travaillé pour ne pas faire de cadeaux sur le micro. Je m'engage dans mon langage, mon image ne reflète-t-elle rien de sage, car l'engrenage de mes idées produisent des dégâts graves. Seront les dégâts, car j'en ai toute une saga. Mon miroir reflète mon image, et mon image ne reflète rien de sage. Mon miroir reflète mon image, et mon image ne reflète rien de sage. En moi se cite tout de suite le comportement d'un réel parasite. Ouais. J'évite les hypocrites, car le monde dans lequel je gravite me poussera vite à rester efficace. J'efface pas mal d'encre dans ma tête, plus de place, mais fais face et reste toujours à la surface en masse. Mes rimes donnent le vertige, que fige, à part conseiller des cotons-tiges depuis des piges. J'entraîne mon savoir, tel un samouraï. Sur les rails, je les épaules sans faire de détails et sans faille. Mon style fait bouger la foule, je déboule. Et les faux rappeurs en attrapent la chair de poule. Mon miroir reflète mon image, et mon image ne reflète rien de sage. Mon miroir reflète mon image, et mon image ne reflète rien de sage. L'authenticité n'a pas besoin de publicité. La perplexité de mon texte pour mes capacités suscitées. Si le son frappe, clappe dès ma quand je rappe. Car j'appâte les cerveaux que je pétris comme de la pâte. Je ne me dis pas au top, et ne possède pas le bebop, mais on stop. Mon texte tranquille se développe et enveloppe des combinaisons qui avec le son sans façon ne mouillent pas dans la contrefaçon comme un hameçon. J'accroche, ma voix ricoche, j'approche la perfection de ma Kintosh. Kintosh, miroir reflète mon image, et mon image ne reflète rien de sage. Mon miroir reflète mon image, et mon image ne reflète rien de sage. Mon miroir reflète mon image.